Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Avant de reprendre le cours de mon récit, je tenais à vous dire un grand merci de la part de toute mon équipe et de moi-même pour votre fidélité durant ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Grâce à lui, nous avons accueilli de nouveaux auditeurs sur le podcast et nous tenions à tous vous souhaiter la bienvenue. Nous nous retrouverons en janvier pour une reprise plus traditionnelle de nos contes, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours, le lundi matin désormais. Pensez à vous abonner au podcast et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour n'en rater aucun. Allez, je me tais et je vous laisse tout de suite avec le 24e et dernier épisode de l'enquête d'Auguste et Léon. Vous allez enfin comprendre ce qu'il s'est passé le jour de la disparition de cette liste. Bonne écoute! Souvenez-vous, nous avions laissé notre duo d'enquêteurs hier matin dans la chambre du Père Noël avec, de toute évidence, une nouvelle formidable. Nom d'un bonhomme de neige ! Mais c'est pourtant évident ! À l'exact même moment, notre duo de choc venait de résoudre l'affaire ! C'est formidable ! La liste ! La liste, ça y est ! Nous savons où elle se trouve ! Gédéon, Rudolf, tout le monde ! Venez ! En deux temps trois mouvements, la rumeur se propagea à travers tout le domaine et tous les lutins, lutines et reines du domaine, ainsi que Marie-Gertrude, se retrouvèrent au pied du bâtiment. Gédéon avait, dois-je le préciser, anticipé cet énorme attroupement et les avait retenus de justesse devant la porte d'entrée. Est-ce que tu l'as là, là, ce serait formidable. Oh, moi je l'ai toujours dit. J'ai cru. Croisons les doigts, je savais qu'on pouvait compter sur vous. S'il vous plaît, taisez-vous. Merci de vous être déplacé aussi rapidement. J'imagine que vous comprenez que nous ne pouvons pas tous nous rendre dans la chambre afin de savoir ce qu'il en est de cette révélation. Je vous remercie donc d'avance de votre patience. Restez ici. Je vais immédiatement rejoindre nos deux enquêteurs et je vous tiens au courant de tout le plus vite possible. Croisons les doigts, mes amis. Croisons les doigts. L'émotion du secrétaire était palpable. Il monta 4 à 4 les marches du grand escalier et arriva essoufflé auprès des garçons qui l'attendaient avec impatience afin de vérifier avec lui si leur théorie était bonne et donc s'ils allaient bien retrouver la liste de la tournée de Noël. Gédéon, veuillez vous asseoir. Nous allons vous exposer notre théorie. Dois-je prendre des notes ? Ça ne sera pas nécessaire, Gédéon. A priori, une fois que nous aurons terminé notre démonstration, nous devrions avoir la liste entre nos mains. Ah, d'accord, très bien. Comme vous le souhaitez. Enfin, c'est juste que... Oui, Gédéon ? Eh bien, je suis nerveux et... prendre des notes m'apaise. Ah, allez-y, Gédéon. Dans ce cas, allez chercher votre carnet, bien sûr. Mais faites vite, il nous tarde de savoir si nous avons vu juste ou non. Oh oui, oui, oui, et moi donc, je fais vite. Voilà, c'est bon, allez-y. Ça y est, je suis prêt à tout noter. Les deux frères prirent un instant pour se tenir les mains et poser leur front l'un contre l'autre durant quelques secondes. Ils prirent une profonde inspiration et ce fut Léon qui commença les explications. Si nous reprenons les faits dans l'ordre chronologique, voilà comment s'est déroulée la matinée. À 9h précise, le Père Noël est entré dans sa chambre et s'y est enfermé à double clé afin d'étudier de près la fameuse liste de Noël. Celle sur laquelle sont répertoriés les noms, âges, adresses et commandes de cadeaux de chaque enfant du monde entier. Cela demande beaucoup de concentration au Père Noël de réfléchir à la logistique de fabrication de tant de présents. Ne parlons même pas de l'itinéraire de la tournée qui est un véritable casse-tête. Au bout d'une heure de ses intenses réflexions, et tandis qu'il était allongé sur son lit, il sombra malgré lui dans le sommeil, abandonnant la liste sur sa couverture, à ses côtés. Quelques 17 minutes plus tard, notre brave Hector fit son entrée dans la chambre afin d'y faire le ménage. Il passa l'aspirateur. Le sommeil de plomb du Père Noël n'en fut pas une seconde perturbé. Puis la serpillière. Afin que le sol sèche plus rapidement, il entr'ouvrit la fenêtre avant de quitter la chambre. Dans les 10 minutes qui suivirent, Marie-Gertrude passa à l'arrière du bâtiment et vit que la fenêtre de la chambre était entr'ouverte. Elle en profita pour l'éviter jusqu'à l'étage, s'introduire dans la chambre afin de consulter la collection de bandes dessinées du Père Noël. Elle espérait ainsi trouver une idée de cadeau à lui faire. C'était sans compter sur l'apparition soudaine de Sully qui fit sursauter Marie-Gertrude, qui lâcha le livre qu'elle avait dans les mains et poussa un cri. Craignant de réveiller son frère, elle remit en vitesse l'ouvrage et sortit en trombe de la pièce, toujours par la fenêtre. Rudolf, qui passait dans le couloir à ce moment-là, entendit le brouhaha et le cri. Il se précipita à l'accueil afin de vous demander, Gédéon, de l'aide, pour ouvrir la porte afin de s'assurer que tout allait bien pour le Père Noël. Vous l'avez donc rejoint et, grâce à vos capacités combinées, vous avez pu ouvrir la porte à double clé. Vous avez pu voir que tout allait bien pour le Père Noël, n'est-ce pas ? Gédéon, qui buvait les paroles des garçons depuis le début de leur compte-rendu et retenait son souffle dans l'attente désespérée d'un heureux dénouement, en eut du mal à bafouiller un semblant de réponse. « Gédéon, c'est bien cela ? Vous êtes entré et avez pu voir que tout allait bien pour le Père Noël ?»« Oui, oui, c'est bien cela. Mais alors, la liste, où est-elle ? » ?»« Et qu'avez-vous fait avant de ressortir ?» J'ai recouvert le Père Noël de sa couverture et fermé la fenêtre. Il faisait froid dans la pièce et en ouvrant la porte, nous avions fait un sacré courant d'air. Alors je ne voulais pas qu'il attrape... Ha ha ! Correct. Vous m'avez perdu, messieurs. Oh, par pitié, expliquez-vous, cette attente est insoutenable. Le courant d'air, il a fait s'envoler la liste. Et d'après nos calculs, si nous nous penchons... Auguste et Léon accompagnèrent leurs paroles des mouvements qui allaient avec. Si nous nous penchons et que nous regardons sous le lit... Bingo ! Nous découvrons que la liste s'est tout simplement envolée et s'est retrouvée coincée entre les lattes du matelas du Père Noël. Les garçons venaient de se relever, triomphants, brandissant la liste bien haut, au-dessus de leurs deux têtes rayonnantes de bonheur. Nom d'un caramel mou ! C'est... Oh, quelle émotion ! Oh, et puis zut ! Gédéon, sous le coup de l'émotion, fit fi des codes de bienséance qui jusqu'ici lui faisaient garder la tête froide et se jeta sur les garçons pour les enlacer. Merci, merci messieurs. Oh, je le savais depuis le début que vous seriez à la hauteur. Votre grand-père serait si fier de vous, je peux vous l'assurer. Je dois de toute urgence prévenir les habitants du royaume et surtout le Père Noël. Oh, il va enfin pouvoir sortir de... Oh, mais cela veut dire que... Nous savons, Gédéon, nous le savons. Nous ne pouvons pas rester si le Père Noël sort de son bureau. Nous le savons et nous le comprenons parfaitement. Renvoyez-nous vite chez nous et allez prévenir le Père Noël. La tournée a lieu demain. J'imagine que vous avez tous beaucoup de pain sur la planche. Oui, et même si nous savons que nos parents ont reçu un sort d'illusion et qu'ils ne s'inquiètent pas, car pour eux, nous ne sommes jamais partis, ils commencent à sérieusement nous manquer et il nous tarde de les serrer dans nos bras et d'aller fêter le réveillon de Noël avec eux. Oh, messieurs, encore mille merci. Vous allez tellement nous manquer. Vous aussi, Gédéon, vous allez nous manquer. Je vais aller chercher Marie-Gertrude afin qu'elle vous prépare un sort pour vous permettre de rentrer chez vous. Je vous dis au revoir. Je file prévenir le Père Noël. Encore merci. Prenez bien soin de vous et... Joyeux Noël. Merci Gédéon. Joyeux Noël à vous aussi. À peine le lutin fut-il parti que Marie-Gertrude arriva. Elle fit tout son possible pour renvoyer rapidement les garçons chez eux, tout en tâchant de leur adresser les félicitations et les remerciements de la part de tous les habitants du royaume. Elle ne cessa pas de leur exprimer son infinie gratitude et de leur faire réaliser à quel point ce qu'ils avaient accompli était extraordinaire. Elle les serra fort dans ses bras, balbutia quelques phrases incompréhensibles tout en versant sur eux une poudre argentée, et ils se sentirent de nouveau emportés par le doux tourbillon qui les avait conduits ici, au pôle Nord, quelques jours auparavant. Les garçons arrivèrent chez eux dans la nuit du 23 au 24 décembre. Ils tombèrent de fatigue après ces 23 journées incroyables qu'ils venaient de vivre. À leur réveil, ils se précipitèrent évidemment dans les bras de leurs parents. Ils étaient tellement heureux de les avoir retrouvés qu'ils ne pouvaient s'empêcher de les embrasser et de les câliner à tout bout de champ. Le soir du réveillon, en revanche, ils eurent bien du mal à manger toutes les bonnes choses qu'avaient préparées leurs parents. Ils s'inquiétaient pour la tournée du Père Noël. L'heure d'aller se coucher arriva rapidement, et avec elle, la crainte que la tournée n'ait pas pu se dérouler sans encombre, à cause de toute cette affaire de disparition et de tout le retard accumulé au sein du royaume du Pôle Nord. Malgré leur peur et l'excitation de tous ces événements, les garçons finirent par s'endormir. À leur réveil, le matin du 25 décembre, ils descendirent, fébriles, jusque dans leur salon. Et à peine eurent-ils franchi le seuil de la porte, qu'ils eurent tous les deux la même réflexion. Peu importait ce que pouvaient cacher tous ces jolis emballages. Le plus beau des cadeaux, ils venaient de le recevoir, en découvrant que le pied du sapin était recouvert d'une multitude de paquets. Ils avaient réussi. Ils avaient sauvé la fête de Noël. L'enquête de Noël est terminée. Encore merci à tous d'avoir répondu présent tout au long de ce calendrier de l'Avent hors du commun. Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Je vous donne maintenant rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux contes. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.